بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc ceci est le cours numéro 5 dans la lecture du livre Fath al-Rahim al-Malik al-Allam de l'imam, le Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah. Et au dernier cours, nous nous étions arrêtés à l'explication qu'a donné Ibn Abbas radiyallahu anhuma au nom Allah, en précisant que le nom Allah signifiait celui qui détient la divinité et l'adoration sur toutes ses créatures. Ceci donc est l'explication d'Ibn Abbas radiallahu anhu sur la signification du nom Allah, celui qui détient la divinité et l'adoration sur toutes ses créatures. Et le Cheikh avait expliqué donc qu'Ibn Abbas, radiallahu anhu, à travers cette interprétation du nom Allah, il a allié à la fois entre le fait de qualifier Allah subhanahu wa ta'ala par l'attribut de la divinité et le fait de qualifier les créatures qui s'adonnent à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui doivent s'adonner à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il qualifie Allah subhanahu wa ta'ala par la divinité et il qualifie les serviteurs qui doivent s'adonner à son adoration. Puis le shir, ensuite, nous dit « وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ يَأْلَهُونَهُ وَيَعْبُدُونَهُ » Les serviteurs du tout miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala, l'adore. وَيَبْذُلُونَ لَهُ مَقْدُورَهُمْ بِالتَّأَلُّهِ الْقَلْبِيِّ وَالرُّوحِيِّ وَالْقَوْلِيِّ وَالْفِعْلِي بِحَسَبِ مَقَامَاتِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ. Et ils déploient tous leurs efforts et toutes leurs capacités en l'adorant par le cœur, l'âme, la parole et les actes selon leur degré, selon leur rang et leur degré. فَيَعْرِفُونَ مِنْ نُعُوتِهِ وَأَوْصَافِهِ مَا تَتَّسِعُ قُوَّاهُمْ لِمَعْرِفَتِهِ. Donc ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils connaissent d'Allah subhanahu wa ta'ala ses attributs et ses qualités selon ce que leur permet leur capacité, leur faculté. Ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs et ses qualités selon leurs facultés. وَيُحِبُّونَهُ مِنْ كُلِّ قُلُوبِهِمْ مَحَبَّةً تَتَضَاءَلُ جَمِيعُ الْمَحَابِّ لَهَا. Et ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala de tout leur cœur d'un amour parce que toutes les autres choses aimées, ça me nuise. فلا يعارض هذه المحبة في قلوبهم محبة الأولاد والوالدين وجميع محبوبات النفوس. Il nous dit donc le shir qu'ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala de tout leur cœur, les serviteurs d'Allah, les serviteurs pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils aiment Allah de tout leur cœur d'un amour face auquel toutes les autres choses aimées s'amenuisent, de telle sorte que cet amour qu'ils ont pour Allah subhanahu wa ta'ala dans leur cœur n'est pas concurrencé par l'amour des enfants, des parents et de toutes les choses appréciées par l'âme. بل خواصهم جعلوا كل محبوبات النفوس الدينية والدنيوية العادية تبعا لهذه المحبة. Et les meilleurs d'entre eux, les meilleurs des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils rendent conforme à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala toutes les choses aimées par les âmes, que ce soit dans la religion ou dans les choses de la vie quotidienne. Donc tout ce qu'ils aiment est conforme à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَمَّ تَمَّتْ مَحَبَّةُ اللَّهِ فِي قُلُوبِهِمْ أَحَبُّوا مَا أَحَبَّهُ مِنْ أَشْخَاصٍ وَأَعْمَالٍ وَأَزْمِنَةٍ وَأَمْكِنَةٍ فَصَارَتْ مَحَبَّتُهُمْ وَكَرَاهَتُهُمْ تَبَعًا لِإِلَهِهِمْ وَسَيِّدِهِمْ وَمَحْبُوبِهِمْ. Le Cheikh nous dit ici, lorsque l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala a rempli pleinement leur cœur à ses serviteurs, lorsque l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala a rempli leur cœur, ils ont aimé tout ce qu'Allah aime comme personne, comme acte, comme temps, moment et comme endroit, à tel point que leur amour et leur haine, les choses qu'ils aiment et les choses qu'ils détestent, sont conformes à leur Dieu, à leur Maître et à leur bien-aimé suprême, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ceci est venu dans des hadiths qui nous incite à aimer ce qu'Allah aime et à détester ce qu'Allah déteste. Comme dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. Trois choses, quiconque les possède trouvera alors par elle la douceur de la foi, le délice de la foi. Trois choses, quiconque les possède, trouvera par elle le délice de la foi. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. La première, c'est qu'il aime Allah et son messager plus que toute autre chose. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. Et qu'il aime une personne uniquement pour Allah. La seule chose qui fait qu'il aime cette personne, c'est sa conformité aux ordres d'Allah. Et la troisième, وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. c'est qu'ils détestent de retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, tout comme ils détesteraient d'être jetés dans le feu. Donc ces trois choses, quiconque les possède, obtiendra par là et trouvera le délice de la foi dans son cœur. Qu'il aime Allah et son messager plus que toute autre chose, qu'il n'aime une personne que pour Allah et qu'il déteste de retourner à la mécréance après qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'en ait sauvé. Et le deuxième hadith, un autre hadith qui vient appuyer ce principe d'aimer et de détester pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un hadith qui a été rapporté par plusieurs savants, plusieurs imams du hadith, et qui a été jugé hasan, c'est-à-dire bon, par Sheikh Al-Albani, rahmahullah. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Awthaqu 'ura al-imani al-muwalatu fillahi wal-mu'adatu fillahi wal-hubbu fillahi wal-bughdu fillahi. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith: L'anse de la foi la plus solide, l'anse de la foi la plus solide est de prendre pour allié et de prendre comme allié pour Allah, de prendre pour ennemi, d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Ce sont quatre choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées comme étant les choses qui constituent l'anse la plus solide de la foi. De prendre comme allié pour Allah, c'est-à-dire prendre comme allié les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, de prendre comme ennemi pour Allah, c'est-à-dire de prendre comme ennemi les ennemis d'Allah. La troisième, c'est d'aimer pour Allah, c'est-à-dire aimer ceux qui se conforment aux ordres d'Allah. Et la quatrième et dernière chose, de détester pour Allah, de détester ceux qui ne se conforment pas aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans tout cela, il y a des détails à apporter que vous pouvez retrouver dans les livres du dogme. Et en résumé, donc, ceci est dans le cœur, mais ne pousse pas à être injuste envers qui que ce soit, et ni à idolâtrer qui que ce soit. L'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala ne doit pas amener à idolâtrer la personne aimée pour Allah, de la même façon que le fait de détester pour Allah subhanahu wa ta'ala ne doit pas amener à être injuste envers cette personne. Ensuite, le cheikh, il dit: وَلَمَّ تَمَّتْ مَحَبَّةُ اللَّهِ فِي قُلُوبِهِمْ أَلَّتِي هِيَ أَصْلُ التَّأَلُّهِ وَالتَّعَبُّدِ أَنَابُوا إِلَيْهِ فَطَلَبُوا قُرْبَهُ وَرِضْوَانَهُ وَتَوَسَّلُوا إِلَى ذَلِكَ وَإِلَى ثَوَابِهِ بِالْجِدِّ وَالِاجْتِهَادِ فِي فِعْلِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ وَفِي تَرْكِ جَمِيعُ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ. Donc le cheikh, il continue en nous disant: et lorsque l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala a rempli leur cœur à ses serviteurs, lorsque l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala a rempli leur cœur, cet amour qui est la base de l'adoration, lorsqu'il a rempli leur cœur ils sont revenus repentants à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont tournés vers Allah subhanahu wa ta'ala en recherchant sa proximité et son agrément. Et en faisant les causes pour arriver à cela et arriver à sa récompense. Les causes, ils ont fait les causes qui amènent à cela, à la proximité d'Allah et à son agrément, et qui amènent à la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. En étant sérieux et en faisant des efforts pour faire ce qu'Allah et son messager ont ordonné et pour délaisser tout ce qu'ils ont interdit. Et par cela, par ces efforts et ce sérieux dans l'adoration, ils sont devenus des gens qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala véritablement et qui sont bien aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. وَبِذَلِكَ تَحَقَّقَتْ عُبُودِيَّتُهُمْ وَأُلُوهِيَّتُهُمْ لِرَبِّهِمْ. C'est par cela que s'est concrétisée leur adoration pour leur Seigneur. وَبِذَلِكَ اسْتَحَقُّ أَنْ يَكُونُوا عِبَادَهُ حَقًّا وَأَنْ يُضِيفَهُمْ إِلَيْهِ بِوَصْفِ الرَّحْمَةِ حَيْثُ قَالَ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ ذَكَرَ أَوْصَافَهُمُ الْجَمِيلَةَ الَّتِي إِنَّمَا نَالُوهَا بِرَحْمَتِهِ وَتَبَوَّأُوا مَنَازِلَهَا بِرَحْمَتِهِ وَجَازَاهُمْ بِمَحَبَّتِهِ وَقُرْبِهِ وَرِضْوَانِهِ وَثَوَابِهِ وَكَرَامَتِهِ بِرَحْمَتِهِ. Le Cheikh il dit, et c'est par cela qu'ils ont mérité, c'est par cela, par la concrétisation de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par cela qu'ils ont mérité d'être véritablement ses serviteurs et qu'il les affilie à lui par l'attribut de la miséricorde lorsqu'il dit wa ibadur rahman, les serviteurs du tout miséricordieux. Il les a affiliés à lui par l'attribut de la miséricorde. Puis il a cité dans la suite des versets, dans la suite des versets de la sourate Al-Furqan, la sourate le discernement, il a cité donc leur noble qualité qu'ils ont obtenue, qu'ils ont acquis, leur noble qualité qu'ils ont acquise par sa miséricorde. Et ils en ont atteint les degrés par sa miséricorde. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a récompensés pour cela en leur accordant l'amour, en leur accordant son amour, sa proximité, son agrément, sa récompense et sa bénédiction, tout cela par miséricorde de sa part. Puis le shir dit « وَقَدْ عُلِمَ بِهَذَا أن من بذل هذه المحبة التي هي روح العبادة التي خلق الخلق لها لغير الله فقد وضعها في غير موضعها ولقد ضيعها أيضا. De là, il est su que celui qui va vouer cet amour, cet amour qui est l'âme de l'adoration, celui qui va vouer cet amour, qui est l'âme de l'adoration pour laquelle les créatures ont été créées, celui qui va vouer cela à autre qu'Allah, il aura mis cet amour à une place qui n'est pas la sienne. Et il aura gâché cette caractéristique et cette qualité qu'est l'amour, car il ne l'aura pas mise hein, et il ne l'aura pas voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le cheikh il dit وَلَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ أَعْظَمَ الظُّلْمِ حَيْثُ هَضَمَهَا أَعْظَمَ حُقُوقِهَا. Également, celui qui va vouer cet amour d'adoration, celui qui va le vouer à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aura commis la plus grande des injustices envers lui-même, du fait qu'il aura privé son âme du plus grand de ses droits. Il aura privé son âme du plus grand droit, du plus grand droit qu'elle a sur lui. Qui est d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa proximité, sa récompense et son agrément en concrétisant le tawhid, en lui vouant un culte exclusif, en n'adorant que lui, seul, sans lui attribuer d'associé. Donc celui qui aura voué son l'amour, l'amour d'adoration, celui qui l'aura voué à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aura privé son âme du plus grand droit qu'elle a sur lui. Car lorsqu'il a fait cela et qu'il est tombé dans le polythéisme, il a privé son âme d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et la proximité d'Allah et sa récompense et son agrément. Ensuite, le cheikh il dit وبذلك استحق أن يكون الشرك هو الظلم العظيم وأن يكون المشرك وأن يكون المشرك مخلدا في النار محروما دخول الجنة محرما عليه. À mon avis, là, il y a une faute d'impression. Wallahu ta'ala a'lam. Le cheikh il dit donc ensuite, c'est pour cela que le polythéisme a mérité d'être la plus grande des injustices et que le polythéiste a mérité de demeurer éternellement en enfer et d'être privé de l'entrée au paradis. لأنها دار الطيبين الذين عبدوه حق عبادته وأخلصوا له الدين. Car le paradis est la demeure des gens bons qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit et lui ont voué un culte exclusif. وقد جمع الله هذين المعنيين في عدة مواضع. Allah subhanahu wa ta'ala a réuni ces deux choses dans plusieurs passages du Coran. Les deux choses auxquelles le shirk fait allusion ici, ce sont la négation de la divinité de tout autre qu'Allah et l'affirmation qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul vrai Dieu, le seul qui mérite d'être adoré et qu'il n'a aucun associé. Donc ces deux choses, la négation de la divinité à autre qu'Allah et l'affirmation de cette divinité uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, ces deux choses, Allah subhanahu wa ta'ala les a réunies dans plusieurs passages du Coran. مثل قوله تعالى لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Comme le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsqu'il s'adresse à Moussa, dans la traduction rapprochée du sens du verset, certes, c'est moi Allah, il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée à part moi, adore-moi donc et accomplis la prière pour te rappeler de moi. Et également dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Le deuxième verset que le chir a cité ici. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui avoir révélé qu'il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée à part moi. Adorez-moi donc. Et le troisième verset que le chir a cité. فَعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّ أي مساميا مماثلا في صفات الألوهية. Donc c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du sens du verset, adore-le donc et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un homonyme? C'est-à-dire, un homonyme est quelqu'un qui lui ressemble dans les attributs de la divinité. Puis le chir dit وَكَذَلِكَ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ وَهِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ تَتَضَمَّنُ نَفْيَ الْأُلُوهِيَّةِ عَنْ غَيْرِ اللَّهِ وَأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِ فِيهَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَلَا يُصْرَفُ لِغَيْرِ اللَّهِ شَيْءٌ مِنَ الْعِبَادَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ وتقرر الألوهية كلها لله وحده. Le cheikh, il dit ensuite, pareillement, la parole de la sincérité, qui est la ilaha illallah, elle inclut la négation de la divinité à autre qu'Allah, la négation de la divinité à autre qu'Allah. Et que rien ni personne parmi les créatures n'en mérite ne serait-ce le poids d'un atome. Et que donc, on ne doit attribuer à autre qu'Allah aucune adoration apparente ou cachée, extérieure ou intérieure. Aucune adoration extérieure ou apparente, c'est-à-dire avec les membres. Et ni aucune adoration intérieure ou cachée, c'est-à-dire les adorations du cœur. Donc la parole de la sincérité, la ilaha illallah, elle inclut de nier la divinité à autre, elle inclut de nier la divinité à tout autre qu'Allah. Et le shirk, il dit, et elle confirme que la divinité tout entière ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul. فَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُ أَنْ يُؤَلَّهَ فَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُ أَنْ يُؤَلَّهَ مَحَبَّةً وَرَهْبَةً وَرَهْبَةً وَإِنَابَةً إِلَيْهِ وَخُضُوعًا وَخُشُوعًا لَهُ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ وَالْإِعْتِبَارَاتِ فَهُوَ الْمَأْلُوهُ وَحْدَهُ الْمَعْبُودُ الْمَحْمُودُ Al-Mu'azzamu al-Mumajjadu dhul-Jalali wal-Ikram. Et donc le shir termine donc sur le nom Allah subhanahu wa ta'ala en disant, il est donc Allah subhanahu wa ta'ala celui qui mérite d'être adoré par amour, espérance, crainte, repentance, par soumission, par humilité à tous les niveaux. Et il est donc le seul vrai Dieu qui mérite d'être adoré, le seul qui est digne de louange, le seul qui mérite d'être vénéré et glorifié, lui qui est plein de majesté et de munificence. Et c'est ainsi que se termine le cours d'aujourd'hui. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين